peine, c'est pour mes frères. Tant de murs résonnent nos haines comme une colère. On se tient à rien, mais entre nous qu'est-ce qu'ils comprennent. Chaque jour fait d'hiver, ils nous tuent mettre à terre. Ça fait. Et si je dévoile en quelques lyrics de ma life ce que j'en ai vécu. De l'ennui aux conneries, on se nique tous pour le même profit. Au regret d'un souvenir en galère, perdu d'espoir, fallait me voir. Donc un élève au scandale, toute une mentalité de vandale. Influencé jeune racaille, éviter le monde incarcéral. Aujourd'hui combien pleure, assume, consume à persister. Talent perdu, acharné de gloire, envie et de succès. Et si la chance n'est plus donnée lorsque tu es considéré d'être un ex-prisonnier, vas-y donc pense, rien n'a changé. Décor en expression, danger, flanché. Quand ils brisent nos rêves à terme, dites-moi ce qu'il nous reste. Ce qu'il reste, trop de jeunes en situation d'échec. Finissent perdus dans leur tête, y'a pas de mots bien plus forts qui peut effacer une jeunesse aussi sec. Oser affronter une vie de réalité, obstiné à dévouer de ce qu'on est. Difficile de se définir, rien n'est sûr. Voici notre statistique, corruption à la pavure. Ici on peut rêver de la Côte d'Azur. Le BX crash ma haine, je te le dis ici c'est pas le hip hop même. Et même, je m'écris comme sur scène. Fuck la vanité, c'est pour les nôtres. Faut qu'on reste simple, c'est pour les mères qui pleurent. Cri de haine chaque jour, voit grandir son fils dans les mauvais tours. À travers ce monde cherche ma voix, construis tes pas. Cette feuille blanche, justement pour exprimer la haine qui nous reproche énormément. Mais de quoi on nous accuse, même si des fois on abuse de nos paroles. Normal, rien qu'à voir ce qui se passe en Palestine, à quoi arracher les pavés du sol. Parti de rien en tant que fils d'immigré, je suis sous le point de défoncer, de vous dire plus sur ce que je sais. Quiconque veut me tester, qui vienne seulement, je les attendrai de tes fermes. À présent, c'est moi qui l'ouvre et toi qui la ferme. Jusqu'à ce que tu comprennes ce qu'on est en train de subir. Je vire sous le rouge pour qu'on entende mieux ce qui sort de ma bouche. Regarde ce qui tombe dans nos ruelles. Des tas de gosses qui meurent chaque jour, sauvagement finissent par être tués d'une mort aussi cruelle. La dernière heure dénonce nos faits divers dans les pleurs. J'en ai le cœur bouleversé, mes lèvres gercées à force de rapper sur ce qui se passe dans le monde entier. Mon histoire est telle que je la raconte. Sois pas désolé frère, seuls les vrais coupables se reconnaîtront en enfer. Encore une balle perdue, encore une mère déçue. Toute une jeunesse éparpillée dans les rues. Parlons vite ou cramer, perdre ou gagner. Rien à perdre, l'important pour nous c'est de rester soudés. C'est de rester soudés. On se tient à rien ici, non? Ouais. On a rien, on veut tout, tout, mais rien sans rien. Ouais. Mes peines sont pour mes frères. Tant de murs résonnent nos haines comme une colère. On se tient à rien, mais entre nous qu'est-ce qu'ils comprennent. Chaque jour fait d'hiver, ils nous tuent mettre à terre. Mes peines sont pour mes frères. Tant de murs résonnent nos haines comme une colère. On se tient à rien, mais entre nous qu'est-ce qu'ils comprennent. Chaque jour fait d'hiver, ils nous tuent mettre à terre. Mes peines sont pour mes frères. Tant de murs résonnent nos haines comme une colère. On se tient à rien, mais entre nous qu'est-ce qu'ils comprennent. Chaque jour fait d'hiver, ils nous tuent mettre à terre. Mes peines sont pour mes frères. Tant de murs résonnent nos haines comme une colère. On se tient à rien, mais entre nous qu'est-ce qu'ils comprennent. Chaque jour fait d'hiver, ils nous tuent mettre à terre. Mes peines sont pour mes frères. Tant de murs résonnent nos haines comme une colère. On se tient à rien, mais entre nous qu'est-ce qu'ils comprennent. Chaque jour fait d'hiver, ils nous tuent mettre à terre. Mes peines sont pour mes frères. Tant de murs résonnent nos haines comme une colère. On se tient à rien, mais entre nous qu'est-ce qu'ils comprennent. Chaque jour fait d'hiver, ils nous tuent mettre à terre.